Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Justine Renaud nous concoctera une chronique musico-scientifique avec Justine Pertine et on mettra la table pour une dégustation pas de classe dans une grosse pointe en dresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Ça aurait été une intro parfaite, j'avais pas eu de l'eau dans mes lunettes. Oui, hein? Il mouille ce matin, il fait noir aussi. Ah, ça n'a pas de sens. Bonjour, bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 29 octobre 2015, 180 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. En effet, il fait noir, ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'on arrive à 1h du matin d'un bar. Tout à l'heure, je m'en venais. Puis il faisait noir comme s'il était 3h du matin. C'est bizarre. C'est un drôle de feeling. Mais il était comme 7h. Mais c'est juste une petite période temporaire de genre une semaine et demie, deux semaines entre le début de ce feeling-là et le changement d'heure. C'est en fin de semaine, ça, je pense? Ouais, je pense que c'est entre la nuit de samedi à dimanche, donc rappelez-vous de changer l'heure. Et voilà. Justement, avant nous, tout à l'heure, On a eu prérequis, assemblage prérequis, notre petit condensé de bons moments qu'on a eu ensemble. Et c'était trois chroniques d'Halloween. De Tania is Gunner de Tania. Il nous en reste encore une, Tania. Seulement une. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je suis comme triste. Mais en fait, aujourd'hui, je vais juste te donner le nom de ma chronique. Parce que nomme tes chroniques, toi. Ben, j'ai décidé d'y en donner un nom parce que je ne savais pas comment la décrire. OK. Alors, aujourd'hui, ma chronique à thématique Halloween, c'est où, quand, quoi, qui. Mais pas comment. Ben pas comment. Ça, c'est à vous de le déterminer tout seul. Non, mais vous allez voir pourquoi, tout à l'heure. OK, j'ai bien hâte. Tania S. Gunn, et plus tard, à la fin de l'émission, proche de la fin. Sinon, notre seule collaboratrice aujourd'hui, c'est Justine Renaud. Oui! Et sa chronique musico-scientifique, scientifico-musicale, Justine Pertine. Ça, c'est à 8h, ça s'en vient tout à l'heure. Autour de ça, on a une grosse pointe en dresse, c'est la chronique où on goûte à un produit du tiroir, donc du dépanneur ou du magasin du coin. Mm-hmm. Ça s'en vient en milieu d'émission environ. Et on a d'autres trucs de prévu dont on ne parlera pas tout de suite parce qu'on espère que ça va avoir lieu. Oui, on espère. On a plusieurs sujets à partager plus tard. Mais on débute en musique, comme on le fait toujours, avec notre première pièce qui est par Albert Cross. Oui, c'est la nouvelle pièce qu'on retrouve au palmarès C'est fou cette semaine. Si je me souviens bien, elle se retrouve à la 20e place dans les nouvelles entrées anglophones et c'est Ghost of Santa Fe. À son âge rookie! Yeehaw! Get past it after all. Une nouvelle entrée de Albert Cross sur le palmarès anglophone Ghost of Santa Fe à Assemblage Requis. Anecdote, Tania. Oui. Ça te tente, t'aimes ça? Ben, j'adore ça, les anecdotes. Je suis une distributrice à anecdotes de merde. ce matin, je trouve, comme ça, dans la salle de bain, je trouve un cheveu blanc. OK. Dans ta salle de bain, dans mettons, de bain, pas dans la salle de bain ici. Là. C'est ça, non, c'est ça. Fait que je me suis dit, Caroline, ça doit être un souvenir d'une fille à qui je suis intéressé, mais qui n'est plus pas intéressée par moi. qui a les cheveux blancs. Non, je suis juste vraiment vieux. c'est tout. C'est la c'est fin tout? De l'anecdote. C'est juste ça. Je savais ce qui était plat. Fait que là, est-ce que t'as capoté, mettons? Non. Parce que t'es. Je savais déjà. T'as les cheveux blancs. Tu m'as vu, j'ai une crinière blanche. Ploup. Ouais, oui, oui. On dirait un lion. T'as zéro la crinière blanche. Tu trouves pas que je l'ai dit? Non. Non. Pas encore. En tout cas, hashtag. Donne-toi quelques années, là. Ouais, ben c'est ça. Bon. Si je pouvais en avoir plus, peut-être que j'aurais un look distingué. Peut-être que là, j'intéresserais. Peut-être. Oh, ou t'aurais l'air. Hey, je peux pas faire ça. Ok, c'est beau. Non, mais là, c'était au même point que celle du petit Jérémy. Fait que, ah, ben, Colin, Tania, là. Tu fais peur avec tes blagues de même. Mais une chance, c'est. Non, mais comment faire... est-ce que tu peux référer quelqu'un avec les cheveux blancs, tu sais, à part être une personne âgée ou un albinos? Moi, là, je commence à te détester plus le temps avance, mais c'est pas grave. T'es là pour nous faire peur. Ouais. Ok? C'est ta chronique qui commence. Là. Fait que fais attention à ce que tu vas dire dedans, parce que ça, là, ça va être rediffusé, ce bout-là. Tu couperais celui que je viens de dire. Ou le mettre de meilleur moment. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui insultait tout ce qu'elle voyait. Fait qu'elle est allée à radio, puis elle parle contre tout le monde, c'est Tania! Et puis elle va se foutre dans le trouble! Hein? Belle nouvelle version! C'est ça! Je me suis dit, ça valait la peine de t'écrire de nouvelles paroles pour aujourd'hui. Ben oui, hein? C'est Tania It's Gonna Entertain Ya, où on parle de sujets variés à chaque jour, et là, dans une thématique spéciale Halloween, c'est pour ça le début du métal qui fait peur. Mais tout juste avant que je commence ma dernière... Hey, mon Dieu, c'est déjà la dernière, je suis comme triste. De cette semaine d'Halloween. Je vais être nostalgique, ouais. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que l'Halloween était beaucoup plus différente dans notre temps, il y a quelques années, mettons? Est-ce que tu trouves que l'Halloween se fêtait plus avant que maintenant? C'est sûr que moi, je la fêtais quand j'étais plus jeune, donc oui, je me rappelle de l'avoir fêté plus que maintenant. Mais est-ce que tu trouves que les enfants, aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup moins de personnes qui donnent de bonbons, il y a beaucoup moins de personnes qui décorent leur maison. Ouais, mais je remarque que les commerces, de plus en plus... On dirait que c'est quand même plus rendu commercial, un peu, la fête d'Halloween. Toutes les compagnies, la cafétéria ici décore, les cafés ou les restaurants donnent des bonbons aux enfants pour essayer de les mettre dans le mood. Mais je sais pas si les enfants trippent autant. Les costumes sont rendus tellement tous les mêmes. Et ils sont déjà tous faits. Tout fait, c'est ça. Il n'y a rien de fait à la main, toujours. C'est un peu plate, ça. Mais ouais, moi aussi, je trouve ça plat. Mais c'était juste une question que je voulais poser parce que ça n'a aucun rapport avec ma chronique. C'est juste qu'en m'en venant ce matin, je me disais, voyons, il n'y a comme même pas de maison décorée. J'en ai croisé juste une. Comment veux-tu que les enfants aillent cogner chez vous pour demander des bonbons si tu les invites même pas minimalement avec une citrouille sur la galerie? Mmh. Non, je suis d'accord. Ouais. Ça me révolte. On célèbre plus Noël avec les décorations des maisons que l'Halloween. Ouais. Tout à fait d'accord. Et je trouve ça déplorable. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est déplorable parce que Noël... fête religieuse, puis on est contre ça, hein? Ben non, on n'est pas nécessairement contre ça. C'est juste qu'une fête d'Halloween, c'est une fête festive. C'est une fête où, justement, tu peux incorporer... Mais pas incorporer, mais inclure tes enfants dans la festivité. C'est ça qui est le fun, de le faire en famille. Sauf que là, il n'y a pas personne qui décore. Ouais, puis c'est la fête des bonbons. Fait que, tu sais, en même temps, ça devrait être la fête numéro un. Genre. C'est ça. En tout cas, sur ce, mettez des citrouilles sur votre galerie, ça presse. Au moins. Bon. Puis laissez-les pas là trop longtemps après, c'est dégueulasse. Ouais, ça moisit vite, hein, une citrouille. C'est dégueu. Je te disais un petit peu plus tôt, en début d'émission, que ma chronique aujourd'hui, elle est comme un titre, parce que je savais pas trop comment la décrire. Le titre est « Où, quand, qui, quoi? Mm-hmm. » Mais pas de comment. Mais pas de comment. No comments. Et voilà. Récemment, j'étais en train de discuter avec ma cousine qui a deux jeunes enfants, puis elle me disait « J'ai une idée pour toi. En fait, si jamais on discutait d'Halloween et on discutait à savoir qu'est-ce qui se passe dans quel quartier le soir de l'Halloween. Comment est-ce que tu peux savoir où aller passer l'Halloween avec tes enfants? » Et je dois dire que j'ai fait mille et une recherches. Il n'y a aucun site qui va dire, exemple, Monsieur Bertrand, c'est à la 15e rue, il fait une petite maison hantée. Ouais. Au moins, on c'est sait plat. Quel quartier éviter pour se faire frapper au marteau, mettons. Oui, ça, oui, faites ça. Attention. C'est pas un déguisement. Lui, il frappe vraiment. Partout sauf là. Mais on fait pas de blague là-dessus parce que c'est de mauvais goût. Oui, et voilà. Mais j'ai quand même trouvé quelques activités à faire le soir de l'Halloween ou la journée de l'Halloween en famille ou pas en famille. D'où le titre de l'émission « Où, quand, qui, quoi? » C'est clair. Est-ce qu'on y va dans l'ordre? Pas nécessairement. Alors, je vais simplement débuter, puis on va y aller comme ça, à la bonne franquette. Mm-hmm. Donc, si vous êtes dans le coin de Saint-Mathieu-du-Parc ou si ça ne vous dérange pas de faire un petit peu de route, eh bien, c'est une activité de famille le 31 octobre de 14h à 19h. Et c'est au duché de Bicolline. Et apparemment que c'est une journée qui est très, très reconnue. C'est la 9e année de fil qu'ils font ça. Si je me souviens bien, c'est organisé par le loisir de la ville. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est, en fait? C'est quoi qui se passe à Saint-Mathieu-du-Parc le 31 octobre? Le duché de Bicolline devient l'occasion, ou du moins la toile de fond, pour de nombreux contes. Et tu te promènes au travers de la ville en ramassant des bonbons, bien évidemment. Wow! Par contre, les enfants sont à la fois un peu plus sollicités pour résoudre une intrigue à chaque année. Et cette année, toute l'activité est liée avec les contes des frères Grimm. Tu connais les frères ben Grimm? Oui, comme la série Grimm. Oui. Entre autres. Mais c'est eux, entre autres, qui ont créé tous les fameux contes qu'on connaît, mais qui étaient beaucoup plus différents avant que Walt Disney se mette le nez dedans. C'était gore pas mal avant. Exactement. Ça. Alors, en fait, ils vont aider les frères Grimm à résoudre une énigme. Si je me souviens bien, c'est très, très important de ne pas se tromper sur les réponses qu'on a, parce que sinon, les frères Grimm vont rester pris dans la ville. Donc, évidemment, on voit que le lien est fait beaucoup pour la famille, mais c'est super le fun si on a des enfants en bas âge. Et ça termine quand même à 19h, relativement tôt, pour que peut-être, par la suite, on revienne à la maison et qu'on fasse encore quelques maisons pour ramasser des bonbons. Ouais. Suggère comme mascotte les Bicolinours. Oui, bonne idée. L'activité est gratuite pour les résidents de Saint-Mathieu-du-Parc. Alors, je ne sais pas si là-bas, ils nous écoutent présentement. Ça serait quand même cool. Ben oui. Mais pour vous, c'est gratuit. C'est ouvert à toute la population, par contre, pour seulement 5 $ par adulte. Et pour les enfants, c'est gratuit en bas de 16 ans. Cool, 16 ans. Mais 16 ans, mais avoue que... Tu sais, ça a l'air d'une activité quand même le fun. Là, il y a au-dessus de 150 comédiens dans la ville. Mm-hmm. C'est... malade. C'est comme un Salem à Saint-Mathieu-du-Parc. Ouais, c'est ça. T'as, t'as un flashback dans un c'est vortex. C'est ça. Comme, je peux-tu me trouver un enfant puis y aller? Je vais en emprunter un. Ici, un petit peu plus près à Trois-Rivières, eh bien, du côté de Boréalis, on peut y aller soit en famille ou entre amis. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fameux laboratoire du professeur Sulfite au bureau de Boréalis, évidemment, près du fleuve. Ouais. Oui. C'est à côté du fleuve. Ouais, à côté du fleuve. C'est tous les week-ends d'octobre et le 1er novembre. Alors, si jamais vous ne pouvez pas y aller le jour même de l'Halloween, vous pouvez y aller le lendemain, si jamais c'est tente. En fait, c'est toutes les voûtes qui sont transformées en laboratoire. Ça devient un lieu mystérieux. Ça a l'air qu'il fait très humide. C'est une humidité très refroidissante. Une noirceur extrême, des bruits, des expériences étranges. Et... Et sur le site, ça disait « frisson garanti ». Alors, ça m'intrigue quand même. Tu sais, avoue, Boréalis, déjà en partant, c'est vieux, donc déjà en partant, ça fait peur. Je veux pas dire que nécessairement les personnes âgées font peur. Non, non. Mais les endroits qui ont une historique et qui sont la plupart du temps pas modifiés avec les années, qui sont restés quand même assez intacts, ça fait peur. Ouais. Si on... Ah, je suis allé dans les grottes, là, dans les souterrains pour un spectacle d'improvisation de la Lime, Boréalim, puis c'était épeurant, même pas décoré. Donc, imagine décoré. Hein. C'est ça. Ça dure une heure. Il y a des heures de début, alors 11h, 13h, 14h et 15h. Et on fait juste vous conseiller de réserver à l'avance parce que ça se peut que toutes les places soient prises. Si jamais vous arrivez à 11h, il reste surtout place. Surtout la fin de semaine de l'Halloween. Ben oui, c'est ça sûr. C'est encore plus réservé déjà. C'est sûr. Ouais. Il y a aussi un spécial horreur, en fait. C'est une soirée, encore chez Boréalis, une soirée d'horreur hors du commun, dans un lieu sombre. Si je me souviens bien, c'est presque à la même place que le fameux laboratoire de M. Sulfite, du professeur Sulfite. C'est 16 ans et plus, par contre, je tiens à vous avertir. C'est le samedi 31 octobre, dès 19h30, et c'est gratuit. Mais ce sont des films une projection de films qui vont vraiment vous faire peur. Alors, j'imagine que c'est une soirée d'horreur à Boréalis. Ben. Batiscan, c'est où? Ça, c'est ton camp, j'imagine, de tes questions. Batiscan, oui, c'est ça, exact. Ouais, non. Ah. Tu sais, c'est où Batiscan? C'est pas très loin. Oui. Donc, c'est quand même assez facile de s'y rendre. Eh bien, Il y a une maison hantée pour les plus petits et les plus vieux. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est organisé par les loisirs de Batiscan, évidemment. Et c'est un parcours assez mystérieux avec des défis, du mystère, des surprises. Beaucoup d'émotions fortes en perspective, là, apparemment. Plus de 3000 pieds carrés de maison hantée. Ça t'en fait une petite maison hantée, ça? Ouais, ouais. Est-ce que je vais en sortir vivant si je vais là? Oui, je sais pas, hein? Mais c'est pourquoi ça dit petit et plus vieux, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de représentations de maisons hantées. Alors, de 14h à 16h30, c'est vraiment pour les plus petits. Et de 17h30 à 21h30, c'est pour les plus vieux. Alors, déjà, en partant, on se dit que peut-être que pendant la journée, ça fait pas mal moins peur que pendant le soir. On suppose. Oui, mais du côté de Batiscan, grosse maison hantée, si jamais ça vous tente. Puis on dirait que, tu sais, ça donne le goût d'aller passer l'Halloween, tout ça. Tu sais, je faisais mes recherches. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, je me souviens quand que j'étais petite et qu'on passait l'Halloween, les cousins et les cousines ensemble, ouais. Justement. Nos parents étaient avec nous et justement, on cherchait ces maisons hantées-là. J'étais la pire des poules mouillées, encore une fois. Mais c'était tellement le fun de faire ça avec des gens qu'on connaissait. Puis... Ah, ça me donne le goût d'aller faire des maisons hantées, en fait, semaine. Mais là, toi, tu vas passer l'Halloween. Tu l'as dit, tu te déguises, là. Est-ce que tu te déguises pour passer l'Halloween? Ou? Mais je la passe pas. Je m'en vais à un party. M'en vais à une soirée chez un de mes cousins à un Québec. Un bal masqué. Party costumé. Ouais, party costumé, exactement. Mais là, je suis comme, oh mon Dieu, avec tout ça, j'ai vraiment le goût d'aller passer l'Halloween. Trouvez-moi un enfant, sérieusement. Ouais. Écrivez-moi ça sur Facebook si vous me le prêtez. Il y a pas quelqu'un qui a l'air jeune dans ta gang de cousins et cousines. Mais en fait, je pourrais emprunter un des enfants à ma cousine. Ouais. Tu sais, ça serait merveilleux. Je pense que je vais lui demander. Déguise ton chien. C'est ça, j'ai déguisé mon chien. J'avais passé l'Halloween avec mon chien. La fille, elle va cogner. Elle veut pas de bonbons. Elle veut juste comme passer l'Halloween. Du côté de Grand-Mère, eh bien, c'est un parcours hanté près du parc de la rivière Grand-Mère. Ouais. Donc, c'est pas très loin, ça non plus. Grand-Mère, c'est quoi? C'est même pas une vingtaine de minutes d'ici. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, là, on garantit des sueurs froides, des bonbons, évidemment. De la peur atroce. Avouez que ça fait peur. Peur atroce. La peur atroce. Moi aussi, j'ai trouvé... Ça dépasse les limites, ça. Écoute, ça doit faire extrêmement peur. Ça doit faire mal. Et... Oui, c'est ça. C'est gratuit pour tous. Donc, je tiens à vous le dire, de 18h30 à 21h. Donc là, j'imagine s'il y a juste une représentation de 18h30 à 21h, jugez selon l'âge de votre enfant, oui. Si jamais vous voulez y aller avec vos enfants. Et jugez aussi qu'il va y avoir probablement beaucoup de monde. C'est clair. Donc, mais c'est autour de la rivière Grand-Mère, donc j'imagine que c'est à l'extérieur. Ça doit faire peur. Pose-moi pas la question, j'ai déjà peur, juste que tu m'en parles. Oui, c'est ça. Du côté de Trois-Rivières, encore une fois, mais du Cap de la Madeleine cette fois-ci, au centre communautaire des Ormeaux, eh bien, on fait une grande, grande maison hantée. Malheureusement, j'ai pas trouvé les heures, j'ai pas trouvé non plus qu'est-ce qui allait se passer de plus. Je sais seulement que du côté du centre communautaire, il y a une maison hantée. J'imagine qu'il va y avoir des bonbons, là, bien évidemment. Alors, si jamais. C'est genre de place où on peut téléphoner pour avoir les informations. Oui, c'est ça, de toute façon. Alors, si jamais ça vous tente de ce côté-là, il y a une option aussi. Pour les plus vieux, les esprits beaucoup plus festifs. OK, ceux qui veulent boire. J'imagine qu'il y a de l'alcool là-dedans, ça. En d'autres mots. Au temple, non? Écoute, on va commencer par le temps d'une pinte. Ah, OK. Là, c'est plus mon domaine. Okay. Et voilà. Oui. Donc, du côté d'une temps d'une pinte, eh bien, de 16h à la fermeture, gros party d'Halloween. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est un party Smashing Pumpkin. Ah, ça, c'est intelligent, ça. J'aime ça. De la bière à citrouille, un DJ qui fait des classiques de grunge, un concours du lancer de la citrouille. Avoue que t'as jamais vu ça. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, quoi? Tout le monde va avoir comme une mini citrouille puis ils vont smasher la citrouille. Oh, c'est le fun, ça. C'est cool, hein? Ça doit se faire dans comme sa terrasse en arrière. Ouais, probablement, ouais. Il va y avoir aussi un lancer. Tu sais, les gens, ils tirent des. Pas des graines de tournesol, mais des. Tu le tires de crachats de. Tu pourrais faire ça avec des graines de tournesol. Oui, ben oui. Ouais. Tu préfères ça. Ouais. Ça serait pas pire. Programmation, bien, comme je disais, il y a un DJ, c'est DJ Smash Potiron. Smash Potiron! C'est vraiment le nom du DJ. Ah, oh, c'est sûrement un nom temporaire de DJ. C'est pas juste pour l'Halloween, là. J'imagine que c'est ça, là. Je veux savoir. Je sais pas. Ça va être plutôt 90s, là, oui. Les années 90, là, on tient à vous avertir. Et comme je le disais, il va y avoir des caisses de bière à la citrouille. Malade. Alors ça, c'est du côté du stand d'une pinte. Je le rappelle, de 16h à la fermeture. La Grange, grosse soirée d'Halloween aussi, chansonnier Gilbert Lauzon, concours de costumes, si jamais ça vous tente. Si vous êtes du style là, chansonnier, que vous aimez ça chanter... C'est toi ça? Puis que... Ben non, pas vraiment. Non, okay. Et que vous voulez vous déguiser, parce que là, je tiens à dire que ce sont tous des soirées déguisées, bien ouais. évidemment. Eh bien, vous pouvez vous présenter à La Grange. C'est les mêmes heures qu'un bar normal, alors j'imagine 21h à... 2-3 heures. Trois petits points. Lascar. C'est ça, jusqu'au Lascar. Mais ça, et... si tu rencontres quelqu'un dans ces soirées-là, c'est difficile après ça d'y retrouver. C'est sûr. À moins que tu saches comment il est déguisé. C'est ça. Puis là, faites attention au masque. Aussi. Tu sais, là, tu penses tout le temps que tu connais quelqu'un, puis qu'il y a un masque, puis qu'il est comme « Hey! » Puis c'est pas le bon. Oh, sexy! Oh, shit! Oh, masque, garde ton masque! Du côté de la petite grenouille, eh bien, on a aussi une grosse soirée d'Halloween, le 31. Prix de présence, chansonnier. Ils disent plein de surprises à venir. Oh! Donc, est-ce qu'ils vont... Je sais pas, hein? J'imagine, parce qu'ils ont pas prévu encore. Ouais, c'était... Ils ont pas payé. Non, mais peut-être qu'il y a plusieurs chansonniers déjà à la liste. Évidemment, la petite grenouille, il y a un prix à l'entrée. Donc, en temps normal, si je me souviens bien, Flora, je suis pas sortie là, c'est 4,75. Est-ce que pour la soirée d'Halloween, ça va être un petit peu plus dispendieux? C'est pas encore. Mm-hmm. En temps normal, ce genre de soirée-là, oui, ça demande un petit peu plus cher, mais vous avez quand même un concours de costumes qui est habituellement beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé et très aimé. Mm-hmm. Alors voilà. Tu parlais tout à l'heure du fameux temple. Ouais. Bien, c'est le temps d'en parler. Ah, bon, allons-y. Le temple pour les esprits beaucoup plus festifs, tout dépendant. Eh bien, de 21h à la fermeture, c'est le party Les Chroniques de Hantise tome 3. Est-ce que ça veut dire que ça fait déjà 3 années qu'ils appellent leur party Chroniques de Hantise? Ça se peut bien, ça. Peut-être. Il aurait fallu être là. Il aurait fallu. Mais j'étais pas ici. Non, c'est ça. Je suis désolée. On n'a pas vu les deux premières, fait qu'on peut pas aller voir le troisième. C'est ça, t'as tout compris. Alors, c'est quoi exactement? Bien, comme on le dit un petit peu, c'est un gros party d'Halloween. Concours de costumes, 1 000 $ en prix. Donc là, on met vraiment... C'est cher pour entrer, ça? J'ai pas dit à l'entrée, j'ai dit en prix. 3 étages en ambiance complètement différente. Ça, c'est quand même cool. Sérieusement, c'est un atout que le temple a, c'est qu'à chaque étage peut faire quelque chose de différent. Oui. Donc, pour le côté... 3 étages d'affaires que j'aime pas. Mais pour le côté ouais. Halloween, c'est vraiment cool. Oui. Tu sais, tu peux faire comme 3 étages de maison hantée différentes. Mm-hmm. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais, si on fait ça, prenez des photos, s'il vous plaît, je veux voir. Il va y avoir de la fumée, ça, c'est sûr. Oui. De la fumée. On avertit sur la page Facebook du temple d'arriver tôt. Quand même, parce qu'on le sait, c'est une place qui est quand même très, très côtoyée ici. Oui, c'est ça. Et apparemment, les soirs d'Halloween, il y a un gros, gros line-up. C'est pas le temple qui dit ça, c'est vraiment les gens qui y vont. On parle aussi d'un prix d'entrée qui peut être plus élevé que la normale, voire peut-être jusqu'à 10 $ l'entrée. Mais rappelez-vous que c'est 1 000 $ en prix si vous gagnez le concours de costume. Alors, on met la crème de la crème, là, s'il vous plaît. C'est déjà ça. Hey, c'était bon, ça? Oui. Je veux juste aussi... J'en ai pas parlé, mais tout à l'heure, tu parlais de catacombes. Ouais. Au séminaire Saint-Joseph, il y a une activité le 31 octobre. J'ai pas trouvé beaucoup de détails, alors je vous en ai pas beaucoup parlé. Mais là, quand on a parlé, ça m'a vraiment allumé. Si jamais vous voulez aller visiter les souterrains du séminaire, bien, c'est possible le 31 octobre. Simplement appelez pour vous assurer de réserver, puis tout ça, parce qu'apparemment, ça part beaucoup. Ça doit, oui. Alors, si jamais vous avez jamais vu ça, moi, j'ai jamais vu ça, j'ai des amis qui ont étudié là et qui me disent ça fait assez peur, merci. Mm-hmm. Alors, si jamais ça vous tente, séminaire Saint-Joseph. Non, c'est comme des couloirs qui reliaient le séminaire à l'école de petites filles. Ah oui, le CMI, voilà. Wow. Ouais. Ça fait peur. En effet, c'est intriguant, par contre. Ouais, c'est très intriguant. C'est le genre de peurant qui m'intrigue un petit peu. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, oui, peut-être qu'ils ont des carrés, mais des catacombes, c'est des catacombes, c'est là, je veux dire, c'est là. Ça n'a pas été mis en place c'est juste pour le 31 octobre. Et je me suis dit, pourquoi pas, avec une chronique comme ça qui nous présente tout ce qui peut faire très peur. C'est une chanson qui joue dans l'émission américaine American Horror Story. J'ai jamais écouté cette émission-là parce que franchement, juste à regarder le trailer, j'ai beaucoup trop peur. Je te comprends, non? C'est une chanson qui a été reprise par Lauren O'Connell et ça s'appelle House of Rising Sun. À son lingerie.

We were born to die.

Donc Betty, qui des fois ne suit pas nécessairement le message que la compagnie voudrait envoyer, ne fait que tweeter ce qu'elle veut. Vous pouvez aller voir la petite vidéo de son entraînement pour apprendre à tweeter. Ça dit qu'elle s'occupe du compte jusqu'à ce qu'elle produise un mot de 5 lettres en anglais. Elle aura donc le record Guinness du premier poulet qui a tweeté un vrai mot en anglais. C'est cool, hein? C'est surtout niaiseux, là, tant qu'à moi. C'est un petit peu niaiseux, mais en même temps, ça fait vraiment parler d'eux, puis je trouve que c'est cool. Oui, c'est sûr, ça fait parler. Voilà. Hey, ça va être tout pour une grosse pointe d'adresse pour aujourd'hui. On se garde des nouvelles pour la semaine prochaine, et on a d'autres affaires à faire tantôt. Oui. Donc, on se quitte quelques instants. On va prendre la pause de 9h, et au retour, une petite surprise et un avant-goût de Génie en liberté. Restez là. Une petite surprise? Une petite surprise! C'est fou, 89.1 FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 29 octobre 2015. Comme on l'a dit tantôt, on va avoir une petite surprise pour vous dans quelques minutes. On va parler de plein de choses vraiment intéressantes. Avant ça, par contre, Tania, tu m'as suggéré une autre chanson, oui. Style Halloween, je pense. Oui, exactement. Mais je me suis dit, on est jeudi, l'Halloween, c'est samedi. Alors, pourquoi pas y aller avec une émission qu'on joue vraiment plus de chansons thématiques horreur. Ouais. Alors, je t'ai proposé Lala Lala Song de James S. Levine. Lala Lala Song. Lala Lala Song. Ouais. Puis après ça, Danny Janvier va être là. La la la la song, Danny. Oui. T'as jamais pensé à ça comme parole de tes chansons? Hein? La la la la la long. La la la la la song. Long. Ou c'est ça que j'avais pensé? J'ai hâte de parler avec toi tantôt. Mais pour l'instant, la la la la song par James S. Levine. Ou Levine? Un des deux. Ou Levine? Levine. Levine. Levino. Oh, bien. demande c'est qui l'auteur de cette chanson-là. Hein? Ah, c'est certainement pas une chanson à grandes paroles, mais je trouvais tellement qu'elle faisait peur, pareil. C'est Félix Leclerc, je pense. La. Oui! Non, mais c'est bon, c'est oui. peurant un peu, l'ambiance est ouais. cool, c'est correct. Il y a des belles bouches aussi dans... Oui, dans le vidéo. Il y a des serpents qui leur sortent de la bouche. Oui. Ouais, ça, c'est moins intéressant, moi, je parlais plus des bouches. C'est ça, ouais. Les serpents, c'est... Moi, je suis pas de cette équipe-là. Tu peux remplacer ça par d'autres choses. Donc, James S. Levine avec La Song. C'est dans, encore une fois, l'émission de télé oui. American Horror Story, la saison qui s'appelle Coven. Je me dis, peut-être que finalement, je vais l'écouter. Oui, juste pour la trame sonore, hein? Juste pour la trame sonore. Si ça te fait peur, au moins tu pourras te chanter la chanson puis essayer de te... Est-ce que tu te souviens de la toune Twinkle Twinkle? Oui. Ils l'ont fait version horreur. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur quand c'est une petite fille genre qui chante ça puis c'est comme genre possédée, je sais pas trop quoi. Ah, tu comprends pas, c'est twinkle, terrible. Ouais, ça fait peur. Oui. J'aime pas ça. Moi non plus. Lui, il nous fait pas peur, même si sa voix est quand même assez caverneuse. Surtout à ce micro-là, on dirait qu'il est encore plus caverneuse que d'habitude. Je sais pas ce qu'il y a ce micro-là. C'est, je sais pas. Je devrais m'en servir. Ouais, on va le transférer pour le micro. C'est ça, c'est le micro Bernard de Rome. C'est ça, c'est exactement ça. Mais non, ce n'est pas Bernard de Rome, c'est quelqu'un d'encore plus crédible parce que lui, il a encore un job. Je sais pas pourquoi. On le voit plus, Bernard de Rome. Hein? Non. On le voit plus même. C'est pas grave, il a pris sa retraite. Ben, il doit être heureux dans son chalet. Là. Exactement, c'est ça. C'est Danny Janvier qu'on accueille et on fait cette chronique-là. Je pense que la dernière fois qu'on a fait cette chronique-là, c'était il y a peut-être 2-3 ans. Puis ça m'a tenté de remettre l'intro. Fait que voici, ajoute ça à ton agenda. Ça me manquait les intros de 45 secondes, une minute. C'est ce que je me disais. C'est ton genre, des belles intros. C'est comme ah ouais, avance. On a plus rien que ça à faire. Les gens viennent se joindre à nous, savent pas que c'est un intro. Ils pensent que c'est une toune. Mais c'est ce que j'aime le plus faire. J'aime quand les intros de collés sont plus longs que les intros d'émission. Bref, Danny Janvier du Dîner de Con qui est avec nous. Oui, de ça aussi. De ça aussi, de partout, de la caverne où il anime dans ce micro-là. Oui, exact. Pour parler de deux choses, il est au courant de une chose. Ben oui. C'est ça. L'autre, ben c'est d'autres choses que tu verras après. OK. Donc, le premier événement dont on veut vous parler dans Ajouter à ton agenda cette semaine, c'est Caniche Vampire, un événement de Danse Underground auquel tu participes. Oui. Ça a lieu vendredi soir. Oui, ça a lieu vendredi soir à l'Atelier Silex. Oui, Atelier Silex, parle-nous de, premièrement, c'est où et qu'est-ce que ça fait? La rue, ça me dit rien. Je sais c'est où à Trois-Rivières. Là, je peux me rendre les yeux fermés. Mais... C'est ça. À côté de quoi, mettons, tu dirais? Toi? L'Odyssée qui est là, à côté de ça. C'est ça. Je sais pas, dans le coin de la rue Saint-Maurice. Là. C'est sur Père-Frédéric. Père-Frédéric, 1095. Pas loin de la gare. Oui, la gare. C'est ça, l'ancienne belle gare qu'on sait plus quoi faire avec. Hey, on aurait dû donc faire une maison hantée dans cette gare-là. Ah, j'avoue. C'est vrai. Je lance ça à la ville. Ouais, oui. Voilà. Hérole, là, il pourrait aller faire un truc, là. Oui. La gang de Hérole. Mm-hmm. Oui, c'est ça, donc, dans ce coin-là. Père Frédéric, un bel atelier d'artistes. Ça a été fondé à la base par des artistes, des finissants de l'UQTR, okay. Ça, en art plastique. Puis, ça fait des années, mais ça fait quelques années, justement, que Sébastien Dulude, Annie Pelletier, puis une couple d'autres ont parti cette idée-là de faire des caniches quelque chose. Comme moi, le premier que j'ai fait, je pense que c'était caniche tonique, je pense que ça s'appelait. Ça se peut, ouais, ça me dit quelque chose. Je me rappelle d'avoir fait ça. Je pense que c'est là que j'ai rencontré ma blonde, en plus. Ah, ouais! Ah, ben, félicitations. Mais donc, là, caniche vampire, est-ce que c'est toujours proche de l'Halloween, caniche quelque non, chose? Pas non, pas du tout. Plus, ça juste au printemps. OK. C'est pour ça que, là, ils ont donné le thème caniche vampire. Ça a été supposé de caniche zombie. Ouais. Moi, j'aurais aimé aussi caniche zombie. C'est pas pire aussi, ouais. Caniche vampire. Je me dis, ben, tu te mets juste des dents, puis. T'as pas besoin d'être tanné. Ben, j'avoue. Tu peux amener tes dents parce qu'en tant que tel, il va y avoir de la saucisse, du Fouquet Morel. Waouh. N'est-ce pas? Mais bon, ça. Mais là, de la charcuterie, on n'a pas le droit à cette heure, ça nous tue. Tout donne le cancer. Ouais, t'as pas vu sur Internet. Tout donne le cancer, mais respirer, ça tue. Tu l'as dit au dîner de con hier. Mais c'est vrai, l'oxygène brûle nos cellules. C'est vrai. Ça va vraiment pas bien. Mangez surtout pas le caniche, je pense, encore plus cancérogène. Hein? Oui. Cancérogène. Bref, événement de danse underground, ça veut dire quoi ça? Tu danses en dessous de la terre, c'est quoi l'affaire? Je pense qu'ils veulent pas nécessairement que ça soit le gros dance qu'on va avoir, mettons, au temple. Ouais. Là, c'est que ça va être de quoi qui va faire bouger. Ça peut être autant des trucs récents, des trucs un peu plus indie, que des vieux succès, mais peut-être d'aller rechercher dans les boulamites quelque chose qu'on n'entend pas tout le temps, mais... Mm-hmm. je suis sûr qu'on va en entendre, qu'on a entendu souvent. Là, il y a des classiques, hein, ouais. On le sait. Mm-hmm. Puis c'est aussi, il y a comme genre 8 DJ. Fait que chaque DJ amène vraiment une couleur. Il y en a un qui va être vraiment indie, l'autre va être vraiment plus agressif, plus distorsion. L'autre, moi, mettons, je vais être un peu plus électro, peut-être. Donc ça se promène. C'est pour ça que c'est pas dance. Ils veulent pas que ça soit du club, là. C'est pas de clubhouse, là. Fait qu'on rejoint vraiment tout le monde, c'est cool. Ben, je pense que oui. Puis c'est vraiment trippant. Dans tous les événements que j'ai été là, je pense que je les ai tout fait. Je pense que j'ai joué dans chaque à date. Okay. Puis c'est tout le temps vraiment le party. Ils pognent vraiment. Puis c'est tout le temps plein. Tu sais, des fois, à Trois-Rivières, on le sait, là. Ouais. Il n'y a pas tout qui marche. Là. Ouais. Mais là, sérieux, c'est tout le temps bien plein. Puis c'est il y a vraiment de l'action. Puis l'ambiance est cool. On va parler des DJ qu'il va y avoir là, pas nécessairement par leur nom, parce qu'on les connaîtra pas nécessairement, sauf peut-être Stéphane Corriveau qui anime Radio Sonic. Oui, qui anime Radio Sonic ici. Mais sinon, il y a DJ Ouzo. Oui. DJ Démon Globin, DJ Q&A, DJ Anonyme, j'aime ça. Jules DJ, Bio Bazar, un certain Bio Bazar, ça me dirait. Et DJ Sus Mon Sang. Oui, oh, Sus Mon Sang. Moi, c'est la première fois que j'y vais en tant que DJ Bio Bazar. D'habitude, j'y vais toujours sous le pseudonyme de DJ Suzanne. Suzanne, ben oui. C'est ça. Pas de nom de famille, c'est juste, c'est tellement DJ hot. Suzanne. DJ ben, comme Suzanne. Céline. Comme Céline, Galipo, oui, évidemment. Non, mais Céline. Ben oui, Galipo. Ah, ok. C'est la seule Céline que je connais. Mais DJ Jules, ouais, c'est un des gars de. Comment ça s'appelait? Tu sais, on a eu un truc ici, ça s'appelait. C'est un band de funk. Il y avait un signe de radioactivité à un moment donné, là. Ça a pogné au bout, là. Comment ça s'appelle? Quand en tout cas, le nom vient. Ouais, mais il s'appelle Julien Gay. Ouais, mais je c'est son band, là. Ah, c'est sûr, on a joué plein de fois ici, en tout cas. Ça me dit quelque chose, mais je pourrais pas les... Ben non, mais c'est sûr, je te dis n'importe quoi comme exemple. Je te donne pas d'indice. Mais du funk, au moins, ça arrêterait ici le champ. On a dit qu'il y avait des saucisses, du Fouquet Morel, de la bière du Trou du Diable. Oui. Ça va être cool. Donc, ça, c'est un événement qui ramasse de l'argent aussi pour l'atelier Silex, tu me disais? Oui, les gens sont invités à venir déguiser. Oui. Okay. Mais c'est pas essentiel. Non. Mais ceux qui vont venir, ben, il y a des cadeaux, il y a des tirages pour ceux qui vont savoir donner la peine. Ben, justement, on va pouvoir vous donner une paire de billets pour Calèche Vampire live là. Ça a lieu encore une fois vendredi 30 octobre. C'est demain soir, 21h, à l'atelier Silex sur Place Frédéric. C'est en pré-vente, les billets à 10$ et à la porte à 15$. Et vous allez pouvoir nous téléphoner pendant la pièce qui va jouer de Danny Janvier, Bio Bazar. Atomic Baobab! Quoi? C'était Atomic Baobab, ben gars. Oui. Ah, c'est super désolé, bon. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais c'est bon de le dire, Atomic Baobab. Parce que s'il fallait, je le dis. C'est vraiment très, très bon, ça. Donc, Caniche Vampire, on a deux billets pour vous. Si vous nous téléphonez au 819-376-5183, 819-376-5183, pendant la pièce de Danny Janvier, Bio Bazar, quelle pièce est-ce qu'on écoute? On va y aller avec Final Countdown, qui est une pièce sur mon prochain album avec une collaboration de Debbie Teb. Dans le fond, c'est un remix. Sauf que je veux juste dire que là, c'est une toune ambiante. Okay. Et demain, je jouerai pas ambiant. Là. Okay. Je ferai pas dormir le monde. OK, bon. OK, j'aime mieux te le dire. Oui, mais on écoute ça pareil. Ben oui, c'est on va super. L'apprécier. Bon, c'est extraordinaire. Caniche Vampire, deux billets pour vous. Cet événement de Danse Underground, 819-376-5183. Appelez-nous là, on est en direct. Maintenant. On est jeudi matin, 9h20, il n'y a pas de reprise. Non, c'est non, là, c'est là. Là. Bazar featuring Debbie Tebbs. Exactement. Le nom de la pièce, c'était quoi? Final Countdown. C'est une pièce qu'elle avait sortie sur son album Hop, oui. qu'on a eu ici. Ben oui. Et puis, elle avait lancé le projet Re-Hop. Donc, elle demandait à 14 musiciens, 14 tripeux d'électronique de remixer ses tracks. Et puis, moi, j'ai remixé elle. Elle a trippé, puis on a décidé de la mettre sur le prochain album. Parce que là, je suis rendu avec eux autres, avec Cliché Musique. Ah, cool! La même gang qu'Hologramme, puis oui. Demi-Ted. Pour ton nouvel album, Paris Idolie. Exactement. Qui sort quand? Ben officiellement, il était supposé de sortir demain, mais finalement, il va sortir d'après moi autour du 20 novembre, ah. parce qu'il y a eu des problèmes, puis on va recevoir le vinyle autour de ce moment-là, puis je vais l'avoir justement en vinyle. Cool, puis on s'en reparlera, on te réinvitera à l'émission, c'est? Tiguidou. C'est comme ça. Donc, on rappelle l'événement Caniche Vampire, l'événement de Danse Underground à Atelier Silex, demain vendredi à 21h. Les billets sont à 10$ et en pré-vente, 15$ à la porte. Il y aura d'autres occasions de gagner peut-être les billets de Caniche Vampire. Probablement, je dirais, sur l'émission du midi. Peut-être. Oui, on félicite nos gagnants. Félicitations, puis sur l'heure du midi aussi, dîner de con, le 15 janvier. L'autre événement dont je voulais vous parler tantôt, c'était Big Brave qui va être au Café Frida ce soir. Yes. Donc, on terminera l'émission avec ça tantôt parce que c'est fou, présente le spectacle au Café Frida de Big Brave avec des tacos et tout ça. Ça va être super bon. Donc, ce soir, jeudi, 21h au Café Frida. Et on finira l'émission avec une pièce de Big Brave. Mais avant ça, nous, on est rendu accueillir Samuel Girard de l'émission Génie en Liberté. Bonjour. Ça va bien? Oui! Génial. Ça va juste tout mon micro, ouais. Non, mais je voulais remercier Danny avant de te parler, excuse-moi. Ah! Merci, Danny. Hey, bon show! Salut, je retourne là-bas. Au bureau, dans ta cave, dans ta grotte. Dans ma caverne. Merci, Danny. Donc, Samuel Girard, Génie en Liberté qui s'en vient dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passe à ton émission aujourd'hui? Ben aujourd'hui, plein de choses avec un changement majeur de dernière minute. Oh, j'espère que ça n'a pas rapport avec la grosse affaire que t'es supposé avoir lieu, oui. Hein. Non, ça c'est ça. Ça a lieu? C'est ça, mais c'est ça le changement majeur de dernière minute. Mon émission était toute prête. OK. Et hier après-midi, je reçois un téléphone. Ah, OK. Puis on m'a rajouté ça. Donc, monsieur le maire qui vient s'asseoir en studio à 10h. À 10h tantôt, c'est génial. C'est ça, ben oui. C'est hâte. Fait que. J'espère que t'as juste une question. Parce qu'il parle beaucoup, monsieur Volubile, Volubile, volubile. Non, malheureusement, j'ai beaucoup de questions. Je vais m'arranger pour que les réponses soient courtes. Probablement qu'il va tout répondre à toutes tes questions dans la première réponse. Peut-être, c'est ça. On verra bien. Sinon, avant ça, on va faire un petit tour d'actualité en rafale parce qu'on n'a pas tout le temps, de faire un petit peu d'actualité ces temps-ci avec tout ce qui se passe. Mais là, je vais prendre un 5 minutes pour enclencher une coupe. On va parler d'histoire. Donc, Louis-Étienne Villeneuve qui devrait venir nous voir pour... Nous en apprendre un peu plus là-dessus. Et après ça, pour la dernière demi-heure, eh bien, je vais parler évidemment des grèves rotatives dans le secteur public. Et Steph, qui s'est préparé un beau petit dossier sur toutes les histoires des femmes autochtones qui couvrent au complet notre actualité ces jours-ci. Donc, pas une histoire drôle, mais on va essayer de ramener ça à la base et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse aller là-dedans, puis... Évidemment, donner un peu notre opinion sur le sujet. Ah, ça, j'en doute pas du tout. Ouais, c'est ça. Ce serait pas l'émission de Génie en Liberté s'il n'y avait pas ton opinion là-dedans et celle de Steph aussi. Exactement. Émission d'opinion. Et ça, voilà, ça le dit. Ça le dit dans grille horaire, en tout cas. Voilà, merci Samuel. Bonne émission à 9h30. Juste là, faut qu'on se quitte rapidement. Donc, merci Tania. Merci Mathieu. Merci Justine Renaud. Merci Danny Janvier. Dîner de con à 11h. Programmation cif.ca, assemblagerequis.com pour les notes d'émission balado-diffusion. Et on se dit à lundi 6h30. On se quitte avec une pièce de Big Brave, comme j'ai dit tantôt, qui s'appelle Feral Verger sur leur album du même nom. Ils vont être en spectacle à 21h au Café Frida. Présentation de C'est Fou. Bonne journée à tous et à lundi. Bye, bye, bye, bye. S'il vous plaît, passez une belle journée. C'est okay? Ça. Bon, vous êtes bien mieux, là. Oui. Je fais confiance. Moi aussi. Tu fais juste me copier en disant ça. Tout à fait. My mind.